Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre magazine hebdomadaire avec la science. Vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT, ce logiciel qui écrit des textes. Ce sera le sujet de la chronique de Samuel Lauzon à 18h30 avec une démonstration concrète de ce que peut écrire ou ne pas écrire ce logiciel. Mais pour le moment, on va revisiter un concept de biologie, celui de l'évolution et de la sélection naturelle. Je dis revisiter car l'évolution est souvent perçue comme un processus qui se déroule sur le long terme. Or, il y a des exemples d'évolution rapide, pas seulement chez les bactéries ou les insectes qui se reproduisent vite, mais aussi chez les animaux vertébrés et notamment chez les oiseaux. André Desrochers est professeur d'écologie à l'Université Laval et plusieurs de ses projets de recherche portent sur les oiseaux de nos forêts et il a pu constater cette évolution rapide. Bonjour André. Bonjour. Alors avant de voir des cas d'évolution rapide, André, je crois qu'il faut rappeler en quoi consiste ce concept d'évolution, de sélection naturelle qui est peut-être pas maîtrisé parfaitement par tout le monde. Oui, on peut résumer ça assez rapidement. En fait, l'évolution, je pense que tout le monde a une assez bonne idée. Hein? C'est un changement de situation, un changement de système dans le temps. Comment est amené ce changement-là? C'est Darwin qui nous a instruit du mécanisme, qui nous a informé de ça, avec ses découvertes dont on sent encore les répercussions aujourd'hui. Et l'idée est très simple, dans le fond. Pour qu'un système biologique évolue, il faut trois conditions. Il faut qu'il y ait une variabilité entre les individus d'une espèce. Mm-hmm. Ils ne sont pas tous identiques. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une certaine compétition, une certaine bataille, si on veut, entre les individus de l'espèce. Puis, troisièmement, il faut qu'il y ait une forme d'hérédité. Il faut que les caractères, la hauteur, la masse ou la longueur des ailes, on va en parler tout à l'heure, mm-hmm. Soit transmissible des parents aux petits. Quand on a ces trois conditions-là, alors il va y arriver dans la nature des situations où donc on va compétitionner, par exemple, pour une nourriture qui est rare. Mm-hmm. Alors les individus qui, par hasard, ont des... des compétences supérieures dans le domaine vont avoir tendance à survivre plus longtemps et à se reproduire davantage et du coup vont transmettre donc leurs gènes à leurs petits. Leurs avantages. Voilà. Ouais. Et du coup, encore une fois, les petits vont devenir de plus en plus abondants, ce qui fait qu'à long terme, ces caractères-là vont devenir dominants dans l'espèce mm-hmm. et vont donc façonner littéralement la morphologie, le comportement et toute forme de comportement ou d'attributs qui sont transmissibles de manière héréditaire. Mm-hmm. Alors ça, c'est quand même un processus qui prend généralement du temps. Et d'ailleurs, si on remonte très loin dans le temps, on dit que les oiseaux ont évolué à partir des dinosaures. Donc là, on remonte vraiment très loin dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment ça s'est passé? Oui, j'étais pas là malheureusement. Je serais un petit peu curieux de voir, d'être la mouche sur le mur, comme on dit, pour voir. Mais en fait, il y a longtemps, on parle de quoi? De l'ordre de 100 millions d'années. Hein? Mm-hmm. Du temps des dinosaures, si on veut. Puis, juste pour donner une idée peut-être aux gens qui nous écoutent, la carte du monde était complètement méconnaissable par rapport à la carte du monde qu'on connaît actuellement avec les continents, etc. Par exemple, le Québec est difficile à reconnaître sur la carte à cette époque-là. Donc, on parle d'il y a très longtemps. Dans une époque où, justement, il y avait des fougères géantes et toutes sortes d'organismes. Évidemment, les plus spectaculaires étaient les dinosaures. Et il faisait très chaud à cette époque-là aussi, par ailleurs, autour de 8 degrés Celsius, plus chaud que maintenant. C'est beaucoup. Oui, très chaud. Puis, c'était le théâtre de l'évolution, si on veut, des tout premiers oiseaux. Comment on a pu faire le lien avec les dinosaures, c'est qu'on a trouvé des fossiles. Un des plus connus, d'ailleurs, s'appelle Archaeopteryx. elle ancienne, si on veut. Ah oui. Archéoptérix, voilà. Puis l'archéoptérix en question, en fait, a laissé une empreinte sur les roches où on voyait clairement des plumes. Donc, on met tout le reste de la bébite, si on veut, avait des airs de dinosaure. Donc, c'était un dinosaure à plumes, littéralement. Et il y avait des plumes sur les quatre membres, d'ailleurs, pas juste sur les ailes, mais sur les Sur bras, les... si on veut, Ouais. là, mais sur les jambes aussi. Puis là, il y a diverses théories pour expliquer comment c'est devenu un oiseau, ce truc-là. C'est pas clair, clair, évidemment. Bon, on n'a pas des millions de fossiles, là, mais on sait quand même que les plumes ont pris leur origine, en fait, des écailles Ah. de dinosaures. Donc, les plumes, ce sont des écailles modifiées, si on veut. Et c'est ça. Donc, au fil des millions d'années, ben, ont évolué les premiers oiseaux à partir de certains groupes de dinosaures. Donc, on imagine que certains dinosaures qui avaient des écailles qui leur donnaient peut-être un avantage sélectif et que certains ont peut-être à un moment donné réussi à s'élever de quelques mètres dans les airs, puis à battre des pattes en l'air. Ouais, ben c'est ça. Donc là, il y a toutes On peut sortes se faire toutes sortes d'hypothèses. d'hypothèses. Ben là, il y a l'hypothèse bottom-up, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les oiseaux qui courent et qui réussissent à prendre un peu d'altitude en se donnant des élans. L'autre top-down, c'est-à-dire l'oiseau qui est perché dans un arbre mais Ah. qui se laisse glisser un peu Ah comme un ouais. écureuil volant. Ah bah Bon, ouais. alors, mais on comprend que les plumes conféraient à ces organismes-là donc un avantage de pouvoir se déplacer plus efficacement puis d'échapper à des prédateurs, etc. Mais il n'y avait pas juste les plumes aussi, dans le chaînon manquant là, d'Archéoptérix. Ce qu'on a réalisé, c'est que ce proto-oiseau-là, ce dinosaure devenu oiseau, avait aussi d'autres caractéristiques, comme les os étaient creux. Les oiseaux Ah. ont des os Ah creux. ouais. Ça sauve du poids, évidemment. Ouais. Puis donc, les dinosaures, normalement, n'avaient pas ça. Donc, il y avait vraiment une mouvance là, vers ce qu'on appelle maintenant un oiseau. Alors, depuis ce temps-là, bah, la jante aviaire, forcément, s'est diversifiée pour s'adapter à différents milieux. On trouve un peu partout, en fait, sur la planète. Et puis, de nouvelles espèces sont apparues, d'autres ont disparu, etc. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on estime à combien? Est-ce que vous savez combien il y a d'espèces d'oiseaux dans le monde et puis au Québec? Ben, dans le monde, il y en a autour de pas tout à fait 11 000. 11 000? C'est un nombre Oh. qui a tendance à augmenter pour la Pourquoi? simple raison que les gens qui classifient les espèces ont tendance à séparer des espèces existantes en plusieurs espèces. Des choses qui étaient autrefois des sous-espèces, mettons il y a 10 ans, deviennent soudainement des espèces distinctes. Donc ça fait cette comptabilité-là, si on veut, fait augmenter un peu le nombre d'espèces, mais on est rendu à autour de pas tout à fait 11 000. Puis au Québec, ben, c'est vous, au-dessus de 400 espèces d'oiseaux au Québec, quand même. Mais je dirais un tiers ou un quart de ces espèces-là sont des espèces des visiteurs rares, là. Ah. Il y a un noyau dur d'environ 250 espèces d'oiseaux au Québec, là. D'accord. Alors, pour en revenir à l'évolution, bon, on pense généralement, comme je le disais, que l'évolution, ça se passe sur des longues périodes, mais elle peut aussi survenir assez rapidement, finalement, parce que tout dépend de du temps qui sépare deux générations. Là, si une espèce comme des bactéries, ça se reproduit en 2 ou 3 heures, ou Oui, si c'est voilà. peut-être des éléphants que ça prend, je ne sais pas combien de temps pour faire des petits. J'imagine que ça joue quand même dans la rapidité de l'évolution. Puis ça doit dépendre aussi si les conditions environnementales changent ou pas. Oui, évidemment. Alors, pour dire, il y a pas grand-chose qui freine la rapidité de l'évolution. C'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, on pense que c'est extrêmement lent, puis etc. Mais on a donc des exemples d'évolution rapide. Puis ça peut être très rapide. Prenons un exemple hypothétique. Imaginons que les humains qui ont les yeux verts seraient frappés systématiquement d'une maladie mortelle. Alors, en quelques années, tous les humains qui ont les yeux verts disparaîtraient de la circulation. Et donc, on aurait une forme d'évolution à ce moment-là, c'est-à-dire que l'humain aux yeux verts serait un vestige du passé, puis l'humain normal du futur serait un humain qui n'a pas les yeux verts. Donc, ça prend pas grand-chose, ça prend... Ben en fait, ça prend pas grand-chose. Ça prend une pression, ce qu'on appelle une pression évolutive ou une pression sélective très, très forte. Quelque chose qui donne un avantage vraiment majeur ou un inconvénient vraiment majeur à un segment de la population d'une espèce. Puis, il faut que cet avantage ou inconvénient-là soit transmissible, encore une fois, de manière héréditaire. Si c'est un avantage ou un inconvénient qui ne se traduit pas de manière génétique, l'évolution, ça va passer en dessous du radar, si on veut, de l'évolution. C'est ça. Donc vous-même, vous avez observé des cas d'évolution rapide chez les oiseaux forestiers. En quoi ça consistait, cette évolution? Ben, en fait, je peux conter l'histoire. Ma première inspiration qui m'a amené à étudier l'évolution rapide chez les oiseaux était un article qui parlait des roselins familiers, qui est un petit oiseau qu'on voit assez couramment dans la ville de Québec, entre autres, qui est un oiseau qui habitait originalement le sud-ouest des États-Unis. Puis il a été introduit dans le nord-est. Cette espèce-là, qui originalement était n'était pas migratrice, a développé un comportement migrateur au fil de quelques décennies seulement. Donc, au début du 20e siècle, en fait, elle a été introduite dans le nord-est. Puis, donc, après 50, 60, 70 ans, les ornithologues se sont rendus compte qu'il y avait un mouvement migratoire partiel de l'espèce. Puis, on s'est mis à mesurer les ailes de ces oiseaux-là et on s'est rendu compte, en fait, en quelques décennies, les ailes de ces oiseaux-là sont devenues plus longues. Du segment, donc, du nord-est. De ceux qui migraient? Oui, c'est ça. Donc, il y a eu... puis, la longueur des ailes, c'est un trait morphologique qui est très, très... traduit très fortement génétiquement, donc qui est transmissible et qui est sujet donc à l'évolution rapide. Puis je me disais, moi j'étudiais à l'époque la fragmentation des forêts et l'isolement, donc et les problèmes reliés à l'isolement des forêts. C'est quoi ça, la fragmentation des forêts, ça veut dire quoi? Alors c'est vraiment la fragmentation au sens usuel du terme, c'est-à-dire si on échappe une assiette, elle se fragmente. Ah ouais? Donc la forêt, l'industrie forestière par exemple au Québec va couper... des massifs de forêts matures, les forêts matures résiduelles sont évidemment moins nombreuses, mais elles sont aussi souvent représentées par des pochettes ou des îlots séparés les uns des autres. Donc, c'est cette séparation-là qui est la fragmentation, au sens strict du terme. Puis, par conséquent, les oiseaux qui vivent, par exemple, dans des arbres matures, dans des forêts matures, si la forêt dans le paysage a été fragmentée pour une raison ou une autre, un feu ou une épidémie ou une coupe, c'est plus difficile pour ces oiseaux-là de se magasiner, si on veut, au printemps, un territoire pour s'installer. Ils doivent parcourir. Ah. Imagine, par exemple, le lendemain d'une tempête de neige, toi, tu te magasines une paire de bottes. Bon, tu vas te promener dans la ville, puis c'est un peu plus, hasardeux, pénible de se déplacer. Alors, c'est un peu le même sort qui attend l'oiseau qui est dans un habitat qui est devenu fragmenté. Par conséquent, la capacité de se déplacer de ces oiseaux-là devient une prime, là. Ouais. Ça devient payant pour un oiseau qui... Parce que là, encore une fois, je reviens à la variabilité. S'il y a des individus qui sont, disons, on va les appeler des athlétiques, qui sont capables de se déplacer aisément sur de grandes distances, ils vont être avantagés, ceux-là, par rapport à d'autres qui sont, mettons, plus trapus, moins capables de se déplacer. Alors là, je me disais, je reviens aux roselins de tout à l'heure, dont les ailes ont rallongé, je me disais, coudonc, au fil du dernier siècle, peut-être que les oiseaux de nos forêts qui se sont fragmentés ont développé des ailes plus longues. Donc, c'est-à-dire, je le dis d'une drôle de manière, mais c'est-à-dire les oiseaux qui avaient originalement des ailes plus longues, naturellement, par hasard, ont dû se trouver à être avantagés par cette fragmentation. Ils étaient capables de franchir les déserts pour aller au fragment de forêt suivant ou à un autre fragment de forêt, Parce qu'il faut, ici mettre quelque chose au clair, c'est qu'au Québec, en fait, au 20e siècle, on a coupé quand même beaucoup les forêts boréales. Puis, ça a repoussé, les forêts ne sont pas disparues, mais elles ne sont pas comme avant, pas tout à fait du moins. C'est-à-dire qu'il y a eu un enfeuillement. Il y a beaucoup plus de forêts feuillues maintenant qu'originalement, il y a 100 ans. Et donc, les oiseaux qui vivent dans les grands massifs de forêts matures, de conifères, au Québec, se trouvent à vivre dans un habitat maintenant qui est un petit peu plus rare qu'autrefois. OK, c'est comme une mosaïque. Au lieu que ce soit homogène comme avant, c'est mosaïque avec des secteurs qui sont feuillus et d'autres qui sont conifères. Et là, les oiseaux qui avaient l'habitude de vivre en milieu conifère doivent franchir des grandes distances pour retrouver des fragments de forêts conifères. Oui, c'est ça. Puis là, j'invente pas ça, c'est documenté. Des gens qui ont étudié la dynamique des forêts ont documenté ce phénomène-là. Mais là où il y a un niveau, une couche supplémentaire dans toute cette histoire-là, j'espère que j'ai pas perdu la moitié des gens qui nous écoutent, mais en Nouvelle-Angleterre, donc juste au sud d'ici, dans les États du nord-est des États-Unis, le phénomène inverse s'est produit au 20e siècle. Bon, là-bas, c'est pas des forêts de conifères, c'est des forêts de feuillus. Mais il y a 100 ans, il y avait beaucoup moins de forêts en Nouvelle-Angleterre que maintenant. Il y a 100 ans, donc disons au début du 20e siècle, on venait de sortir d'une période où l'agriculture avait vraiment s'était installée partout en Nouvelle-Angleterre, mais après ça, les gens de cette région-là se sont concentrés dans les villes, ont abandonné les terres agricoles qui ont repoussé. Donc maintenant, il y a plus de forêts. Alors là-bas, les oiseaux des forêts feuillues, vous comprendrez que ces oiseaux-là, maintenant, ont un habitat beaucoup plus abondant qu'il y a 100 ans. Donc, la prime, comment dire, à l'athlétisme, elle est inversée, là. Elle est moins nécessaire. Elle est, voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. En 1900, là, quelque chose, c'était payant pour un oiseau de Nouvelle-Angleterre d'avoir des ailes longues puis d'être athlétique. Ça l'est beaucoup moins maintenant parce que la forêt est facile d'accès. Ouais. Mais là, donc, dans tout ça, finalement, pour vérifier ces hypothèses-là, il faut pouvoir mesurer les ailes des oiseaux. Il faut les attraper. Faut en attraper beaucoup pour pouvoir avoir des mesures statistiques. Oui. Alors, bon, là, les perspicaces qui nous écoutent vont comprendre que la prédiction est la suivante. Les oiseaux de nos forêts, ici au Québec, devraient avoir les ailes plus longues maintenant qu'ils les avaient autrefois, mais ça devrait être le contraire en Nouvelle-Angleterre. Ouais. Alors, je me suis assis, puis j'ai regardé la liste des espèces d'oiseaux. J'ai choisi une quinzaine d'espèces environ. J'ai pas le nombre exact là en mémoire. Mais j'ai choisi un certain nombre d'espèces d'oiseaux des deux régions qui sont cantonnées dans ces régions-là. Donc, dont, comment dire, les populations sont concentrées là. Puis, je suis allé dans des musées, effectivement, pour mesurer des spécimens. De jadis, voilà. Parce que ça, c'est la beauté des musées. On pense aux musées d'histoire naturelle, souvent comme des endroits où on voit des exhibits, puis on voit des oiseaux empaillés, des trucs comme ça. Mais il y a aussi, derrière, dans les coulisses de ces musées-là, d'immenses couloirs avec des collections, des tiroirs remplis d'oiseaux qui ont été récoltés de différentes façons. Des fois, c'est des oiseaux trouvés morts aussi, qui ont été empaillés. Puis, il y a des, par exemple, on peut aller chercher une espèce, je ne sais pas, le merle d'Amérique. Puis, au musée à Ottawa, il y a sûrement des centaines de spécimens de merle au musée d'histoire naturelle là-bas. Puis, donc, des centaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ces oiseaux-là ont été, c'est des spécimens qui existaient à différentes périodes dans le passé. On a des spécimens, par exemple, de merle d'Amérique. Qui remonte à la fin des années 1800, là, puis jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a une longue série temporelle, si on veut, de différentes espèces. Alors, moi, je me suis affairé à mesurer l'aile de centaines, en fait, autour de 800 spécimens de différentes espèces, à l'époque, puis aujourd'hui, contemporain. Puis c'est comme ça que j'ai pu, effectivement, confirmer mon hypothèse. Les ailes des oiseaux, effectivement, de la Nouvelle-Angleterre ont raccourci, tandis que les ailes des oiseaux d'ici, au Québec, ont rallongé. Pour leur permettre d'aller chercher de la nourriture, de s'établir plus loin. Donc ça, c'est un exemple d'évolution rapide, donc sur la longueur des ailes. Est-ce qu'on connaît d'autres exemples d'évolution rapide chez les oiseaux? Oui, il y en a pas mal, en fait. Il y a un cas qui a été largement publicisé, des hirondelles à front blanc aux États-Unis, donc une espèce d'hirondelle qu'on rencontre aussi ici au Québec, qui s'est établie au fil des générations près des autoroutes. C'est des hirondelles qui nichent sous les viaducs. Oui. Autrefois, ils nichaient dans des falaises puis des endroits naturels comme ça, qui étaient un peu exposés, évidemment, au transport routier. Maintenant, ils nichent carrément autour des routes. Et ça les expose au danger, évidemment, d'être frappé par des voitures. Ben oui. Alors, il y a un chercheur américain qui étudie ces oiseaux-là, qui avait constaté, effectivement, la présence de beaucoup d'oiseaux morts au début de sa carrière. Et il a constaté aussi qu'il y en avait de moins en moins. Puis, il a mesuré tous ces oiseaux-là. Et, sans faire de physique, une aile qui est très longue, ça donne un avantage pour voler loin. Ça permet une économie de combustible, si on veut. Mais c'est pas manœuvrable. Tandis qu'une aile courte, ça consomme du carburant, si on veut. C'est pas efficace, mais ça rend l'oiseau beaucoup plus manœuvrable. Il peut virer à 90 degrés facilement. Et quand un oiseau vole autour des automobiles sur la route, c'est une énorme qualité d'être manœuvrable. Puis Brown, le chercheur en question, en fait, a montré que les hirondelles ont les ailes plus courtes maintenant autour des routes, justement. Qu'elle ne l'avait autrefois. Okay. Donc là, l'avantage, c'est pas nécessairement pour aller chercher à manger plus loin ou s'établir plus loin, mais pour éviter de se faire frapper par une auto, finalement. Oui, c'est ça. Donc on peut, en fait, résumer en disant que la longueur de l'aile, dans le cas des ailes, on peut parler d'autres parties du corps, là, mais là, on va finir avec les ailes. C'est un compromis, dans le fond, entre l'efficacité énergétique puis la manœuvrabilité. Ouais. Ah ouais, c'est curieux. Mais justement, est-ce que cette évolution rapide, ça touche seulement les ailes chez les oiseaux ou est-ce que ça touche, par exemple, la grosseur du bec, je sais pas, la longueur des griffes? Est-ce qu'il y a d'autres parties du corps qui peuvent être concernées? Ben, j'imagine que toutes les parties du corps qui, encore une fois, ont une composante génétique forte. Sont susceptibles d'évoluer. Le bec est un bon exemple. En fait, on connaît le cas des géospies, qui sont des petits... ça ressemble à des moineaux, en fait, puis ça vit dans les îles Galapagos, quelques espèces de géospies. Puis Il y a un chercheur de l'université McGill, Peter Grant, à l'époque, qui avait démontré qu'en quelques années seulement, avec les phénomènes El Niño et La Niña, que dans les îles Galapagos, ces phénomènes climatiques-là, en fait, ont des conséquences énormes sur la grosseur des graines sur les îles. Puis, il y a les oiseaux, donc, qui vivent dans des années où seules les plantes avec des grosses graines peuvent survivre, ben, les oiseaux qui ont un gros pif vont survivre davantage parce qu'ils sont capables de casser les graines. Les oiseaux qui ont un petit bec vont diminuer en nombre. Et la grosseur du bec, encore une fois, ben, elle est héritable génétiquement. Donc, Grant a démontré que les géospies peuvent avoir une taille de bec qui varie, une taille moyenne de bec, donc un trait là, morphologique, qui varie en l'espace de quelques années seulement. Ben c'est ça, il faut que ça évolue vite, parce que quand même, là, El Niño, El Niña, ça ne dure pas, ans, donc non, c'est quand même des cycles assez rapides. Donc, il faut que le phénomène puisse être réversé vers l'autre, il faut que ça puisse aller du gros bec vers le petit bec. Oui, exactement. C'est un cas où il y a vraiment des mortalités massives, des oiseaux qui n'ont pas la bonne grosseur de bec par rapport à la grosseur de graines. Et donc, il y a une chaîne là, entre le climat, El Niño, par exemple, la grosseur des grains, puis la grosseur du bec. Puis en l'espace de 4-5 ans, ça peut évoluer. Donc, il faut toujours qu'il reste dans la population d'oiseaux. Il faut toujours qu'il reste quelques individus qui ont un petit bec ou un gros bec pour pouvoir assurer la survie de la population selon la taille des graines, finalement. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de réunion de comité des oiseaux qui disent « OK, on va garder une certaine partie petits becs », mais le hasard de la variabilité, ça. Là. Mais parlant de graines et de becs, est-ce que les mangeoires aussi, est-ce que ça donne à manger aux oiseaux dans les mangeoires avec des graines qui ne sont peut-être pas leurs graines des milieux naturels, je ne sais pas. Est-ce que ça aussi, ça peut être un facteur d'évolution rapide? Oh oui, absolument, parce que là, il y a des comportements aussi. Ouais. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas juste les affaires, les trucs de morphologie, si on veut, qui évoluent, mais ça peut être aussi des tendances de comportement. Comme chez les humains, hein. Bon, il y a des psychopathes, il y a toutes sortes de gens, puis il y a une grosse composante génétique à certains comportements humains. Ben, c'est vrai aussi pour les oiseaux, bien sûr. Par exemple, il y a des oiseaux qui ne prennent pas de risques. Puis il y a des oiseaux qui prennent des risques dans la même espèce. Alors, les innovateurs, par exemple, sont certainement favorisés dans un milieu urbain où les choses changent très rapidement. Mais il y a un coût, évidemment, à prendre des risques. Donc, encore une fois, c'est comme la longueur de l'aile, il y a un compromis, là. Mais ça peut façonner, donc, des comportements qui vont devenir beaucoup plus fréquents chez une espèce parce que Darwin s'est invité là, dans le party, si on veut, puis modifié. Donc, les mangeoires, c'est certainement un facteur qui peut créer une force évolutive, si on veut. Il y a et si on pense maintenant, si on se met dans le contexte des changements climatiques, ça va nécessairement modifier l'environnement. Il peut y avoir, par exemple, je ne sais pas, des sécheresses à un moment donné, peut-être des sécheresses répétées ou quelque chose qui va changer la source de l'alimentation. Est-ce qu'on peut s'attendre à des cas d'évolution rapide? Oui, bien sûr. Le climat a toujours changé, bien sûr, puis il va continuer de changer. Je ne penserai pas à un débat sur les causes humaines ou non, mais c'est un fait. Et les oiseaux vont certainement subir les conséquences ou les opportunités ou les occasions là, causées par un climat qui change. Et prenez juste la dernière glaciation. Il y a 15 000 ans qui avait amené beaucoup de glace ici au Québec et dans le nord des États-Unis. Le retrait des glaciers en quelques milliers d'années seulement a changé complètement, a bouleversé des paysages entiers. Puis on peut imaginer que la faune, incluant les oiseaux, a réagi de manière évolutive à tout ça. D'accord. Alors finalement, merci beaucoup, André, de nous avoir fait revisiter l'évolution des oiseaux. Peut-être qu'on n'imaginait pas qu'ils puissent évoluer si rapidement. Mais en fait, non, une petite question rapidement comme ça, parce que là, on parle d'évolution au sein d'une même espèce. Mais là, on ne parle pas de spéciation, d'apparition ou de nouvelles espèces, là, très rapidement, là, juste en peut-être une minute. Avec l'évolution rapide, on parle juste de modifications au sein d'une même espèce. Ben, il arrive à un point à un moment donné où si la divergence, par exemple, je vais donner un exemple précis. Il apparaît par exemple une langue glaciaire, un glacier s'installe et isole deux populations d'oiseaux complètement. Ils se reproduisent plus l'un avec l'autre. Alors, on peut s'imaginer que les pressions évolutives ne sont pas les mêmes à gauche de la langue glaciaire qu'à droite de la langue glaciaire, là, sur la carte. Et donc, ces pressions-là qui diffèrent peuvent amener le jeu de l'évolution à diverger, donc à faire diverger les deux populations, tellement qu'arrive un point où elles deviennent incompatibles, elles ne sont plus capables de se reproduire entre elles. Et c'est là qu'on a la création d'une nouvelle espèce. D'accord. Donc là, on aurait une nouvelle espèce qui apparaîtrait. Ben, merci beaucoup, André, de nous avoir fait visiter comme ça l'évolution chez les oiseaux. Je rappelle que vous êtes professeur d'écologie à l'Université Laval. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.